bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Goodbye Kevin, la 318e. On commence tout de suite avec Ash Walker, qui est un musicien basé à Londres, qui est multi-instrumentaliste, DJ, et là il nous propose un reggae dub instrumental assez chouette. On va écouter le morceau Filter Gates d'Ash Walker. Tout de suite, il arrive, il est là. On continue sur du jazz avec le collectif Brintex Collective, collectif de Rotterdam qui fait du jazz un peu comme la scène londonienne. Très très chouette, très très bon, ils viennent de sortir leur premier album, Make It Make Sense, en septembre dernier. Et le morceau qu'on écoute c'est 3454, Soaks. Bien sûr je l'ai dit, le nom du titre en français. Brintex Collective. Printex Collective, gros coup de cœur pour moi. Et là, on va sortir un peu des niches pour aller écouter un extrait du dernier album de James Blake. Trying Time, c'est son 7e album et son premier en tant qu'indépendant. Là, il est accompagné par un rappeur assez connu, Dave. Et nous, on écoute le morceau Doesn't Just Happen de James Blake. Girlfriend hates me deep down, maybe I do too. We used to jack niggas in the morning, cause most men didn't have cash when work's done. This type of dinner have your jawline thinner. Man gonna think you had work done. See a man maintaining, see a man waiting up, see a man complaining. I give her one order, I don't need restraining. None of this shit came easy. Man put my name on the wall, only right that you niggas throw mud at it. Yeah, I got dirty money, but show me a pound or a dollar and it doesn't have blood on it. Left us out in the dark, we saw fiends, the light where the end of the tunnel is. Therapy couch like Tony Soprano, Black Viano. Hit an artery, stabbed in a major, that's the Carter. Cash or card though, I got the country sins on finance. I know you all wanna make it to heaven by a Maybe you stopped putting in time somewhere along the line. Continue avec un son un peu vaporeux qui sent bon les années 80, un morceau de Judy Tsuke, une chanteuse anglaise. Et on va écouter le morceau Shoot from the Heart, un morceau sorti en 83 sur l'album Ritmo. Shoot. Come home. Continue dans la douceur avec un groupe énigmatique qui s'appelle Condoloré, groupe anglais qui fait une shoegaze éthérée. Ils ont sorti différents albums dans les années 2000 et là on retrouve un album sur une compile qui est pareil étrange qui s'appelle Epitalamia et le morceau c'est Keeper. Très très chouette morceau, j'aime beaucoup en ce moment. Why? Condoloré avec le morceau Keeper, j'espère qu'il vous a plu. Et on continue avec Michael Jonkers, qui est un peu un one man's band à lui tout seul, en tout cas un bidouilleur qui va aussi bien vers le garage que le folk, en tout cas via le morceau qu'on va écouter qui s'appelle Will It Be, sorti sur l'album Lovely Gold, tout ça chez Drag City. Et ma foi, c'est très très beau. encore une fois. When I ask, were you around? Talk about the love we had. Will it be? Will it be? Will it be? Cœur sur le label Drag City, Drag City qui sait faire le grand écart avec du folk, mais également du garage. Et là, on va partir sur un groupe qui s'appelle Constant Smile. Et c'est un groupe, je pense que j'ai dû passer un extrait de chaque album depuis leur création. Ils sont, c'est des New Yorkais, ils sont passés plein, par plein de styles différents, mais à chaque fois, moi, ça m'envoûte. On a, à partir de, on a l'impression de voyager en pleine nature. Et là, on va écouter un extrait de leur dernier album Moonflowers, sorti chez le bon label sacré Bones Records. Et ma foi, Constant Smile continue à nous faire kiffer. Beside you, lay it on mine. Constant Smile avec le morceau Run Out on Life. Et on est à la moitié de l'émission, c'est le moment. Un peu plus de la moitié, c'est un moment de s'énerver. On continue sur le même label, dans une énergie beaucoup plus garage avec Nice Face et le morceau Equipy. Trois prochains groupes seront des groupes allemands. Le premier, c'est Pigeon. On écoute son album Deny All Knowledge of Complicity, sorti en 2021, du post-punk. Et le morceau, c'est Refuse to Obey. Obey. Bye. Album sorti chez Adagio et après le post-punk, le punk de Sex Verbot avec le morceau Substance. Après Berlin, Leipzig avec Marauder et leur album Puissance 4 et le morceau c'est Face Figure. We'll be right back. Partons maintenant sur deux rééditions du très bon label Minimal Wave. Ce sera deux rééditions de groupes des années 80. Tout d'abord Vicious Pink, qui est un duo de Leeds qui nous fait une synthétique pop new wave. On va écouter un extrait de l'album Unexpected et le morceau c'est So You Want to Love Me. Et la deuxième réédition, c'est une Trans 95, et comme son nom l'indique pas du tout, c'est un projet d'un duo grec sorti en 88, et eux ils y font plutôt une sorte de minimal wave avec des plutôt allez cold wave plutôt très tâté années 80 avec des synthétiseurs, des boîtes à rythme, c'est assez chouette, et nous on écoute le morceau The Move. Oh. pensais avoir le temps de vous passer un morceau, mais il est un peu trop long, donc je me rabats sur une autre sortie un peu plus vieille de 2009 du bon label Minimal Wave. C'est un groupe pareil des années 80, Synthetic Wave, c'est Turquoise Days, et on écoute le morceau Alternative Strategy pour terminer cette émission. Moi je vous dis à la semaine prochaine, continuez à rester sur Radio Campus Lille. Ciao.